Radiomatic. commencer sur la musique de la formation mexicaine Ochico que s'ouvrait cette nouvelle transmission d'Audiomatique portant le numéro 423 du premier album en disque de Ochico, paru en 1997 et intitulé Audio Bajo el Alma. Nous écoutions la pièce Audio en el Alma. Et maintenant, c'est au tour du projet anglais MAPS d'assurer la continuité à Audiomatique. Audiomatic, c'était l'artiste français Terence Fixmer, de qui on entendait la pièce Oracle de son album Shifting Signals, lancé le 2 décembre 2022. Précédemment à Terence Fixmer, il s'agissait du projet anglais MAPS, qui est mené par James Kenneth Chapman. Nous vous avons offert la pièce Windows Open, que l'on retrouve sur son plus récent album. Et cinquième, Counter Melodies, qui paraîtra le 10 février 2023. Et poursuivons maintenant avec Bitcrush. Thank you. nefasta. Sin pensar en lo difícil que es decir basta. innocence. Audiomatique, nous venons tout juste d'écouter le groupe chilien Psycho et sa pièce El Cuento tirée du premier album Informe Psycho paru en 1999. Avant cela, c'était Cave Canem, une formation de rock-pop uruguayen qui nous offrait la pièce Les Roses tirée de l'unique album No Hay Reflejo publié en 2005. Et on amorçait la séquence avec le projet Beat Crush mené par l'artiste Mike Cadou, connu pour ses deux autres projets Gridlock et Drift. De son deuxième album Shimmer and Fade, nous entendions la pièce Have You Lost Your Way? À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le groupe américain R.E.M. It feels, it seems, that everything's there for you. The city breathes and pulses, it's you, electron blue. I knew that you could see right through it. So this is where you give in to the machine. Up your voice, feel gravity's pull, drown out the silent dream. Oh, as we know. did not collapse in a shudder. The rain, it never came. At least my confessions made you laugh. I know it's a little crazed, but these dreams, they seem so real. Frightening, and we would have had it be. Nous avions droit à Audiomatique, à l'artiste français Jean-Michel Jarre et sa composition Black Bird, qui a été créée en 1972 et qui se retrouvait sur la face B du 45 tours pour sa reprise de la célèbre pièce Popcorn, composée en 1969 par l'artiste allemand Gershon Kingsley. Blackbird n'a jamais été endisqué sur un album de Jean-Michel Jarre avant la parution de la compilation Essentials and Rarities en 2011. Tout juste avant, nous écoutions la formation canadienne Mark Kelso and the Jazz Exiles. Nous entendions la pièce Grease Factor, que l'on retrouve sur l'album The Dragon's Tale, sorti en 2022. Et pour débuter ce bloc musical, nous avions droit au groupe américain R.E.M. et la chanson Sing for the Submarine, extraite de son 14e album Accelerate, paru en 2008. La transmission 4-2-3 d'Audiomatique se conclura sur la musique de Sonic Unit, mené par l'artiste Klaus Kruz, mieux connu pour son projet Plastic Noise Experience, fondé en 1989. De l'unique album homonyme de Sonic Unit, publié en 1997, nous allons écouter la pièce Astéroïde. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici pour terminer Sonic Unit et la pièce Astéroïde. C'était Audiomatique avec les Sonoristes. Thank you.